La vie m'a fait voir le ciel bleu, de tant d'horizons, de fiers compagnons, de la main des femmes pour tant d'émotions, pour un cœur qui bat comme un diapason. La vie que je mène au fil des années n'a pas altéré mon envie d'aimer, d'être à vos côtés, de dire des mots clés, des mots qui résonnent et qui font rêver. Le cœur d'un enfant reste à tout jamais comme la raison de bien des sans-pas, parcouru sans hâte au gré des saisons pour l'étoile qui brille là-bas. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, un homme de cirque, un homme de scène, homme de passion, homme de chanson, en toutes circonstances, un homme de raison. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, un homme de cirque, un homme de scène, homme de chanson, homme de raison, en toutes circonstances, un homme de passion. La vie m'a fait voir tant d'histoires et tant d'horizons, de fiers compagnons. Dans la main des femmes pour un peu d'espoir, c'est un cœur qui bat comme une oraison. Comment ne rien faire devant l'amitié, devant tant d'amour qu'il faut partager, tous ces sentiments qui vous font pleurer ou vous donnent l'envie de vous libérer. Le cœur d'un enfant reste à tout jamais comme la raison de bien des sans-pas, parcouru sans hâte au gré des saisons pour l'étoile qui brille là-bas. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, un homme de cirque, un homme de scène, homme de passion, homme de chanson, en toutes circonstances, un homme de raison. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, un homme de cirque, un homme de scène, homme de chanson, homme de raison, en toutes circonstances, un homme de passion. La vie que je mène depuis tant d'années n'a pas altéré mon envie d'aimer, d'être à vos côtés, de dire des mots doux, des mots qui résonnent et qui disent nous. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, au vent frais du temps, j'ai fermé les tomes de belles histoires, de bien des romans, écrits à l'automne, de bien des printemps. Le cœur d'un enfant reste à tout jamais comme la raison de bien des sans-pas, parcouru sans hâte au gré des saisons pour l'étoile qui brille là-bas. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, un homme de cirque, un homme de scène, homme de passion, homme de chanson, en toutes circonstances, un homme de raison. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et je vis ma vie au miel des saisons. Je rêve en couleur, mais quand le ciel donne, je danse sous la pluie, Mister Fantasy. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, un homme de cirque, un homme de scène, homme de frissons, homme d'émotions. Je sors sur les mots de cette chanson. Je sors sur les mots de cette chanson. On vient d'écouter notre ami Nandi Nandor, l'invité du jour, avec la chanson belle et entraînante qui s'appelle Un homme. Bonjour Nandi. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue chez Radio Arc-en-Ciel. Merci, merci Clara. Merci de m'accueillir au sein de cette belle radio. Bah, de rien, c'est avec plaisir. Donc pour nos amis auditeurs, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu ? Alors Nandi Nandor, c'est Nandi Verle. Pour la plupart me connaissent sous ce nom, Nandi Verle. D'accord. Disons que je suis un homme de spectacle depuis maintenant fort longtemps. Je bourlingue sur les routes de France et de Navarre, si ce n'est l'étranger. Mmh. Et j'ai fait ce métier un sacerdoce, car les années passant, on se rend compte que c'est véritablement aujourd'hui une vocation, être artiste. Surtout du musical, du cabaret et du cirque demande beaucoup d'abnégation. Donc voilà, ça fait 50 ans que je fais ce métier. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, et puis surtout un partage fort et intense avec celles et ceux qui nous entourent. C'est pas toujours simple. D'accord. Et quel est un peu ton parcours? Comment t'es venu pour ce goût pour la chanson? Alors ça s'est passé il y a quelques temps déjà. Oui. J'étais mannequin en Allemagne, pour un grand magazine qui s'appelle Bild. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu. J'étais un mannequin photo, c'est-à-dire que je posais uniquement, et j'avais à ma côté un garçon assez remarquable, enfin on ne le savait pas encore à ce moment-là, qui s'appelait Patrick Juvet. Mmh. Et donc nous étions mannequins tous les deux, à l'époque Patrick Juvet était brun. Mmh, ah, d'accord. On ne savait pas. Châtain, on va dire châtain. D'accord. Et on est donc en 1969-70, ouais, dans ces eaux-là, et on décide de rentrer en France. Alors moi, pour ma part, j'avais déjà créé un spectacle en Allemagne qui s'appelait le Théâtre de la Folie. Ça n'a pas changé d'ailleurs, le Théâtre de la Folie. Je travaillais sur la base des Pink Floyd à l'époque, la Sassure Full of Secrets, des choses comme ça, très intenses, très profondes, sur des textes que j'écrivais et que je diffusais sur le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, mais pas en France, parce que la France était déjà un pays assez fermé. Oui, même s'il est très ouvert. Et donc, mon Théâtre de la Folie, j'avais l'intention de le faire venir en France via l'Alsace, puisque cela me semblait le point de départ de la France, mais que je ne savais pas encore non plus que j'étais un Valchicagomer, c'est-à-dire un concombre français. Et donc, puisque c'est ainsi qu'on nous qualifie de l'autre côté des Vosges, d'accord. C'est un peu d'humour. Et donc, Juvet est parti aussi, on est parti ensemble en 62. Fin 69, début 70, lui, il rentrait en Suisse avec une chanson qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, c'est comme un ballon rond, et moi je suis rentré en France avec un titre, enfin c'était pas, il y avait plusieurs titres, puisque en ce temps-là, on faisait des 45 tours où il y avait entre 4 et 6 chansons. Oui. Et puis c'était des galettes, hein, c'était pas des vinyles comme on fait aujourd'hui, c'était vraiment une assiette. D'accord. Et donc moi je me rappelle plus, c'était Feuilles d'automne, donc je sais, franchement, sincèrement, j'en sais rien, j'ai jamais retrouvé ni le master, ni le disque. Si un jour vous trouvez ça dans les brocantes ou n'importe quoi, je suis preneur, hein, parce qu'il y en a bien un qui traîne quelque part. Quoi que c'est pas dit. Et donc je suis rentré en France là-dessus. Le Théâtre de la Folie n'a pas fonctionné en France à travers via les MJC, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de spectacles dans les MJC. Mmh. Ça aussi, ça a un peu disparu. Et dans les clubs, des choses comme ça, dans les bases d'hôtels même. Oui. Ça se fait beaucoup dans les bases d'hôtels à l'étranger. À ça l'étranger, se fait pas oui. en France. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc je me suis retrouvé sur Paris et j'ai signé pour Messire. Messire, c'était un des bras droits de Barclay à l'époque, mais pas le Barclay qu'on a connu beaucoup plus tard. Je vous parle d'un temps que les gens, les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je me suis dépatouillé là-dessus, les années ont passé, je suis reparti dans le milieu, travailler un peu comme pigiste à Sud Radio, mais Sud Radio c'était onde moyenne à l'époque, hein, c'était pas encore la belle époque de l'FM, tout le monde se battait pour avoir une place, d'accord. Et j'étais avec Herbert Lenard, j'étais avec les frères Seff et tout ça, et je me suis bagarré sur le Toulousain pendant longtemps, à Chiara de Andorra j'ai fait exactement, mais bon, c'était d'une banalité affligeante. Car c'était compliqué. Et puis j'ai rencontré, travaillant dans les boîtes de nuit à Toulouse, je travaillais à la Mandigote la nuit, après minuit, donc encore toute une époque. Et j'ai rencontré Jean-Richard Villard et compagnie, qui venaient se désaltérer le spectacle terminé sur Toulouse. Car en fait, je ne le savais pas moi, il y avait le Cirque Pinder, Jean-Richard... qui était à ce moment-là, enfin le Cirque Pinder tout court, qui était à ce moment-là en place à Toulouse. J'ai rencontré Jean-Richard, je lui ai plu, parce que c'est comme ça qu'il faut dire quand on est dans le milieu, on est jeune, à ce moment-là on est très jeune. Moi j'étais un espèce de facsimilé de Patrick Juvet à l'époque, cheveux longs, tout ce qui va avec. Et j'étais assez étonné, donc je m'y suis rendu, 2-3 rendez-vous comme ça. Et puis j'ai continué à chantonner, parce qu'on chantonnait à l'époque dans les pubs, on allait faire le bœuf, on participait à des moments forts de la chanson française. Mmh. Je suis un partisan de la chanson française. Je m'évertue du mieux possible à faire comprendre à notre jeunesse que puis c'est bien les langues étrangères. Hein, oui. Regardez le portugais, c'est génial. Oui. Mais c'est bien l'anglais. Mais le français, c'est génial quand on l'écoute un peu, quand on écoute toutes ces chansons merveilleuses. C'est un peu plus compliqué maintenant. C'est aussi intéressant. C'est un petit peu plus compliqué parce que la poésie s'est un peu échappée. Oui. Mais en ce temps-là, la poésie marquait les chansons françaises. Alors c'était, je me rappelle, je chantonnais à l'époque avec Maxime de Forestier, avec j'ai même enregistré dans un studio à côté de Mike Brandt entre ces deux fins, puisqu'il a eu deux fins. Il était dans le plâtre et tout, il avait enregistré l'oiseau blanc, l'oiseau noir, quelque chose comme ça. Enfin bref, je chantonnais, mais je suis parti sur le cirque. Et le cirque m'a emmené avec lui pendant plus de 20 ans, où j'ai sillonné les routes de France et de Navarre au sein du cirque Pinder Jean-Richard, Jean-Richard et à nouveau Pinder. Donc de 75 à 91, un petit peu, un truc comme ça, je suis resté au cirque. Et lorsque je suis sorti du cirque, je me suis arrêté sur Tours. Tours, c'était le fief du cirque Pinder, au parc des expositions. Et là, on continuait, une fois qu'on posait notre caravane, parce que pendant toutes ces années, il fallait bien vivre sur les routes, eh bien, on continuait à faire du spectacle, aller animer, aller chanter. Et j'écrivais énormément. J'ai écrit je ne sais pas combien de cahiers de poésie. D'ailleurs, ils sont toujours en cours. Je ne sais pas quand je vais les éditer, parce qu'il y en a un paquet, mais il faut que je me donne simplement le courage de les trier, ouais. De les classer, et ensuite de les éditer. Comme j'ai édité mon dernier CD, un conte d'auteur, parce que la production aujourd'hui, là aussi... a mis des barrières, la jeunesse étant ce qu'elle est, la production a mis des barrières et ne s'autorise plus des fantaisies, ne croit plus en l'individu, il croit au marché de la musique, aux tendances. Oui. On peut y mettre n'importe qui, hein, Joseph, Paul, Mozart ou Beethoven, ils croient au marché de la musique mais non pas au marché de l'individu. Mm. Je crois qu'il y a une nuance. On peut avoir les plus belles voix du monde, ou je ne sais pas, un certain charisme, s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est que ça soit en adéquation avec le système d'aujourd'hui. Faut vendre. Oui, et puis avant, on n'en avait rien à faire d'être vu à la télé. On s'en foutait. On avait notre propre microcosme. Hein, on fonctionnait à travers celles et ceux qui nous aimaient. Bon, ça existe encore. Mais le vu à la télé, maintenant, qui m'exaspère, est devenu obligatoire. Parce que le téléspectateur n'étant pas le spectateur, la plupart du temps, il faut être vu à la télé. Et si on ne passe pas à la télé devant les monstres que nous connaissons tous, c'est compliqué. Je connais d'autres pays où c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé, même en Espagne, par exemple, je ne sais pas le Portugal, mais je sais qu'en Espagne, on n'est pas obligé de passer à la télé pour être reconnu en tant que tel. Je me bagarre encore aujourd'hui parce que j'aime la chanson, j'aime la chanson française, j'aime ce qu'elle représente. J'essaie non pas de passer des messages, mais j'essaie à travers mes chansons, et ce depuis une éternité, de donner le plaisir de l'écoute. Oui. C'est pas toujours le cas. Non, on peut se laisser embarquer par une espèce de farandole comme ça, musicale, une espèce de tempo, oui, ok. Mais on n'est pas obligé d'être en adéquation avec la chanson. Voilà. Or, dans les pays latins, oui. Justement, on est en adéquation avec la chanson. Que ce soit en Italie, que ce soit peut-être au Portugal, je ne suis pas très très branché, hein, même si j'ai beaucoup d'amis portugais, oui, j'en ai beaucoup, parce que dans le sport que je pratique, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et c'est une communauté très intéressante, parce qu'elle est très vivante et très amicale, elle est très, oui. très, elle échange, mm-hmm. et elle est à l'écoute, puisque, pour ne rien vous cacher, quand j'ai sorti mes dernières chansons, là, qui sont bientôt d'actualité, ce sont mes amis portugais qui ont été les premiers à me dire oui, non, oui, non, oui, non. D'accord. Donc c'est pour vous dire que vous, chers amis auditeurs, vous m'écoutez, bien évidemment, c'est que souvent, l'âme de mes chansons partent justement du Portugal. D'accord, c'est parfait. C'est le hasard, hein, c'est le hasard. Bah, le hasard fait bien les choses. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on écoute la deuxième chanson qui est sur ton CD, qui s'appelle Le Baladin. Oui. Et puis, on en parle tout de suite après avec ton actualité. Ça marche ? Bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir public, le temps c'est vrai, passe trop vite. Encore un soir, une belle histoire, gravée au fond de ma mémoire. J'aimerais pourtant, une dernière fois, vous dire combien grande est ma joie. Là devant vous, le regard flou, chanter encore, c'est beau l'amour. Car je pars sur les chemins du temps, sur la route je m'en vais loin devant. Quelque part, n'importe où, emporté par le vent, moi ma vie je la passe en chantant. Bonsoir ami, bonsoir public, le temps s'en va, si pathétique. Comme tous les soirs, sous vos regards, va se fermer le rideau noir. Pas de regrets, non, pas de sanglots, juste une larme un peu rétro. Sur cette scène, l'âme bohème, je garde l'espoir de vous revoir. Car je pars sur les chemins du temps, sur la route je m'en vais loin devant. Quelque part, n'importe où, emporté par le vent, moi ma vie je la passe en chantant. Vous mes amis, vous que je quitte sur une note un peu magique, tout ce bonheur là dans mon cœur sera toujours un chant d'amour. C'est le moment de m'en aller, je vous embrasse, mille baisers. Le baladin vous salue bien, demain matin je serai loin. Car je pars sur les chemins du temps, sur la route je m'en vais loin devant. Quelque part, n'importe où, emporté par le vent, moi ma vie je la passe en chantant. Car je pars sur les chemins du temps, sur la route je m'en vais en rêvant. Quelque part, n'importe où, au gré des sentiments, moi ma vie je la passe en chantant. Quelque part, n'importe où, au gré des sentiments, moi ma vie je la passe en chantant. Eh ben dis-moi, c'est super entraînant tout ça. On retrouve l'esprit cabaret au final. Ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'étais resté, et je suis encore resté, sauf sur les nouvelles chansons qui viendront un peu plus tard, je suis resté dans l'esprit du cabaret du musical, parce que j'avais envie de leur offrir les sentiments qui sont restés en moi depuis tant d'années. Non, mais c'est bien, c'est entraînant, j'aime beaucoup. Parce que du coup, moi, je découvre un petit peu, puis sur ton CD, on a les paroles, donc on peut suivre. Dans le CD, on a effectivement voulu mettre toutes les paroles. Il faut que ça soit en adéquation. D'ailleurs, le package du CD donne un peu l'image de ce que je suis aujourd'hui. Vous avez le gars du cirque qui s'en va derrière, et qui dit au revoir à tout le monde. Et puis devant, vous avez la nouvelle stature de l'individu que je suis après justement le cirque et voir le musical et le cabaret. Donc tu es peut-être un peu dans une période de transition, tu veux un peu, sans oublier, laisser le monde du cabaret et puis aller vers quel monde du coup ? Voilà, c'est ça, je reprends la route, entre guillemets, d'une façon poétique. J'essaie de retrouver les bases de ce que j'étais avant d'embrasser le cabaret, parce que le cirque en lui-même restera à jamais. Je fais partie de l'histoire du cirque, mais le cabaret que je fréquente depuis 1999, j'ai non pas tiré un trait, non pas du tout, mais je m'en suis éloigné pour retrouver un esprit plus plus chanson, plus en adéquation avec la variété musicale française. Les prochaines chansons d'ailleurs sont plus d'actualité, elles sont plus dans le... J'ai changé les musiciens par exemple, là j'ai travaillé énormément avec un très grand compositeur, arrangeur, qui a un studio magnifique dans le nord de la Normandie, qui s'appelle Thierry Avril, qui compose tout ce qu'on peut imaginer, écouter dans les musicaux, les cabarets. Mais maintenant, j'ai besoin de mélodistes ou de compositeurs, étant moi-même auteur, de plus proche de l'actualité musicale du moment. Je veux dire, essayer d'aller dans ce que, non pour la jeunesse, mais celles et ceux qui s'intéressent à la chanson française, seraient susceptibles d'entendre. Ça, on aime bien parce que ça reste très jovial, très... Et la première chanson, Un homme, c'est l'explicatif de celles et ceux qui sont encore d'esprit dans le cirque, sur la route, sur les scènes, et qui ont tellement donné, et là je pense à Guitou, je pense à des grands noms du cirque, qui ont tellement donné aux autres qu'aujourd'hui ils sont seuls. Tellement ils ont donné. Oui. Et c'est le propre de beaucoup d'artistes de cirque, pas trop de cabaret, mais de cirque, qui se sont offerts corps et âme à leur public, souvent inconnus d'ailleurs, et aujourd'hui on en a les retombées pas toujours positives, car quand on a dans l'esprit et dans la tête des milliers de personnes qu'on a vu sourire et auxquelles on a adressé son salut amical et qui d'un seul coup ont disparu, ne reste que la pensée. Et ces chansons sont un homme par exemple a énormément marqué la corporation des gens du voyage et des gens de cirque. Ça je le sais, ceux qui aujourd'hui se sont appropriés le CD sont dans une grande majorité ceux qui se reconnaissent même dans le terme de la chanson, dans le texte tout à fait. Après la musique c'est autre chose. Et puis j'ai eu de la chance parce que j'ai été dans un studio où entre autres vont enregistrer des gens comme, excusez-moi du peu, Richard Kilderman et compagnie. Donc on est dans un studio de qualité. Et les gens qui étaient autour de moi, que ce soit les musiciens, les choristes, toutes celles et ceux qui ont bossé sur mon CD d'une façon hallucinante, je leur ai rien demandé, ils ont été en harmonie et en accord avec moi, avec ce qu'ils entendaient, non pas le personnage que je suis, mais ce qu'ils entendaient au niveau du texte, et ils m'ont donné un coup de main incroyable. Moi je le remercie encore et plus que jamais Thierry Avril, alors je sais pas s'il m'écoute, mais c'est possible, puisqu'il a adhéré à l'idée de me voir chez vous aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas un terme au cabaret et au musical en ce qui me concerne, mais je voudrais quand même souffrir d'une autre expérience, celle plus proche des nouveaux textes que j'ai écrits, qui sont moins mélodieux, mais qui sont plus d'actualité et qui traitent encore une fois davantage de ce que nous sommes aujourd'hui. Et que quand j'écoute celles et ceux qui sont au forum des chanteurs et des chanteuses, je parle pas spécialement de ceux qui sont en télé, parce que je vais voir surtout ceux qui ne sont pas en télé. Il y a des choses extraordinaires, en profondeur, amicales, avec des partages forts, et ils ont une clientèle. Ils ont une clientèle. On ne peut pas imaginer un seul instant, quand on est dans son confort chez soi, ce que un chanteur ou une chanteuse peut avoir comme connivence avec un certain public, parce qu'on ne les connaît pas. Et pourtant, ils déplacent, du monde là où on n'irait pas. Donc, pour avoir côtoyé un public énorme, hein, c'était 5000 personnes par jour pendant 20 ans. Oui. Pour avoir au cabaret, pareil, hein, j'ai eu le bonheur de travailler dans les cabarets exceptionnels où c'était plein tout le temps. Mm-hmm. Là, je me retrouve, non pas du tout dans la solitude, mais je me retrouve maintenant dans un contexte différent quand on va chanter devant 80 personnes, 100 personnes, bien 200 sûr. Personnes. Là, j'ai fait un dernier concert, il y avait 300 personnes. C'est déjà très bien. Oui, c'est petit récital. Mm-hmm. Oui, c'est porteur. Ça c'est te permet d'être plus proche de ton public en plus. Ah, mais moi, un petit comité. De toute façon, maintenant, je vais dans le public carrément. Mm-hmm. Alors, on me dit que je suis fou. Non, moi, je m'assois au milieu des gens et je chante au milieu des gens. Je ne suis pas là pour faire autre chose que de chanter l'amour, la passion, l'envie, le plaisir et le partage. Et ben, je le fais au milieu des gens. Alors, c'est sûr que musicalement parlant, c'est compliqué. Oui. Hein, mais en contrepartie. Tu reçois tellement plus. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut recevoir, voilà. Et justement, donc, dans cette actualité, donc, de nouveaux titres à venir, des concerts, des spectacles. Oui. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Alors, pour l'instant, sur les réseaux? Sur les réseaux, oui. Les plateformes. Et les plateformes d'écoute. Alors, pour. Excellent. Pour alors, à partir du 16. Oui. Donc, c'est bientôt. Lundi. Un homme et le baladin sont donc seront sur les plateformes numériques, alors Spotify, Deezer, enfin toutes celles et ceux qu'on connaît. En fait, non. Il y a 60 plateformes numériques qui ont accepté de diffuser Un homme et le baladin. J'attends avec impatience ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas, mais elles seront partout à partir du 16, on va dire le 17, parce que bon, il y a toujours un décrochage. Et elles seront à disposition de celles et ceux qui les aiment, comme on le fait aujourd'hui pour n'importe quel chanteur ou interprète. Et ça, c'est une chose, je l'attends avec impatience, hein. Mm-hmm. J'attends avec impatience parce que, pour ne rien vous cacher, une anecdote, Clara. Je cherchais sur le web une de mes chansons, je ne trouvais pas, et le web a tendance à nous emmener un peu partout dans le monde. Et je cherchais le baladin. Et pour ne rien vous cacher, j'ai une version plus ancienne du baladin, qui n'est pas du tout dans la même couleur musicale que celle que nous venons d'entendre. Et je suis tombé aux États-Unis dans une radio X, XYZ, qui est assez à ses côtés d'ailleurs, 4 étoiles. Et je suis tombé sur le baladin, en français, dans un contexte hallucinant. Alors je sais pas où elle est cette radio, elle est située en Arizona, enfin je sais pas, dans un truc, ou le Dakota. Et j'ai entendu, j'ai écouté, parce que je me suis dit, bon, c'était Bibi. Et donc, je suis diffusé comme ça. Alors, après, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais le baladin version 2000, quoi, il est aux États-Unis. Ça fait drôle, hein. Ah oui. Parce que je m'y attends pas, on ne sait pas. C'est pas comment ça a pu arriver là-bas, par quel... Bon, c'est par le web, hein, bien sûr, oui. Mais... Comme cette chanson voyage beaucoup, la version de 2000 voyage énormément sur le web, dans différents supports musicaux, ils sont assez nombreux. Peut-être que c'est parti par, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une plateforme américaine qui a tendance à venir s'immiscer un peu dans les publications françaises, je sais plus comment ça s'appelle. Il est possible que ce soit passé par là. Mais je me suis vu même une de mes versions en karaoké. Mm-hmm. On m'a rien demandé, hein. D'accord. Non, je pense que maintenant, ils s'arrangent leur petite sauce. Donc, ma musique, toute seule, et les paroles en karaoké. Pourtant, t'as des droits d'auteur. Ah oui, mais ça... Ils sont déposés, ces musiques. Oui, tout est déposé. Moi, j'ai pas de problème. Mais on ne le sait pas. Non. Donc, des fois, on est assez étonné de voir jusqu'où ça peut aller. Et quand on cherche un peu... Voilà, et ben je suis droit là-dessus. Et tiens, je vais me faire un karaoké, moi. Donc, avec le web, Clara, c'est pas vous que je vais l'apprendre, avec le web... Quand je dis à vous, c'est à l'ensemble, hein, de celles et ceux qui sont à l'écoute. Avec le web, on va partout et nulle part, et tout le monde s'approprie tout le monde. Ah bah bien sûr. Alors, on n'est pas maître de soi, et c'est effectivement, si on n'avait pas nos déclarations, si on n'était pas à la DAMI, à la SACEM et autres organismes coquins, et grappilleurs, on n'existerait pas parce que nos propres créations sont déjà reprises à peine par celles et ceux qui ont envie et qui se décident de se l'approprier. Moi, j'ai vu un présentateur de cirque dans les années début 2000. On est dépassé, on est en 2019, donc dans les années 2000, donc, qui chantait une de mes chansons en fin de spectacle. Voilà. Je ne le savais pas. C'est un jour un spectateur qui était dans le cadre des associations de cirque, etc., qui m'a dit, mais dis donc, tu as une de tes chansons qui est chantée par Tartampion sous un chapiteau. Donc voilà, on n'en sait rien de ce qui se passe. Nos chansons disparaissent au profit des autres. Et si on est... Bon, moi j'en suis toujours l'auteur, et parfois même le compositeur pour ce qui est du baladin. Je me dis que c'est étonnant. Si on pouvait au moins être informé. Oui. On ne l'est pas. On ne l'est pas parce qu'on n'a pas de couverture suffisamment importante pour pouvoir nous dire qui fait quoi et comment il le fait. J'ai même vu, pour en avoir parlé avec le Patrick Sébastien, lui c'est pareil, ses chansons lui ont été complètement échappées, par exemple. Il a une notoriété autre que la toute petite que je puisse avoir au niveau local. Mais ça s'en va. Et ça revient pas. Ouais. Pas comme la chanson. Non. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais nous chanter une petite chanson connue? Je vois là sur un TCD la Java de Broadway. Ah oui, la Java. Elle est bien celle-là. Ouais, ça. Ou une autre, hein. Non, c'est bien, mais il faut la faire comme ça, capella. Ah bah si tu veux, tu peux. 3-4. Alors. Quand on fait la java, le samedi à Broadway, ça swing comme un meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la java de Broadway. Oui, mais c'est celle qui plaît. Merci. Et donc, une page Facebook peut-être, où on peut te retrouver. Oui, deux pages. Il y a la page Nandy Verl, N-A-N-D-Y, qui est plus loin, Verl, W-E-R-L, ça c'est ma page pro, où on découvre en règle générale les actus, de ce que je fais, de ce que je propose. Il y a absolument de tout, il n'y a pas que de la chanson, il y a de la poésie, il y a de la photo, il y a une actualité d'hier et d'aujourd'hui, voire de demain. Et c'est la plus importante pour moi. Puis après, Nandy Nandor, bien évidemment, celles et ceux qui veulent jeter un œil sur la page Nandy Nandor sont les bienvenus. Page Facebook qui demande un ami sont toujours les bienvenus, dans la mesure où ce sont des amis. Bien sûr. Et non pas des coucous. Oui. Et aussi, on peut te retrouver sur YouTube. Voilà, alors Nandy 45. Paradoxalement, c'est Nandy Vert, mais je sais pas pourquoi ils m'ont mis un Nandy 45, donc N-A-N-D-Y en grand, 45 un peu plus loin. Alors là, vous y trouverez des vidéos, vous y trouverez beaucoup de choses. Et puis, tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit... il y en a tellement, par obligation, on est obligé d'apparaître. Même, perso, je m'en occupe pas. Ça tourne tout seul. Via les Intel. Mais, et après, sur toutes les plateformes numériques, j'insiste. Oui. Spotify, Napster, Deezer, pour les plus grandes, il y en a d'autres, sont innombrables. Les toutes nouvelles qui viennent de sortir en HD, là, c'est intéressant parce que, ça je voudrais le dire. Souvent, rien ne vaut le CD, en qualité numérique et en qualité d'audio. Vous avez vu un petit peu quand on passe chez vous, les chœurs sont là, la musique est là. Souvent, malheureusement, quand on télécharge quelque chose en MP3 ou dans des conditions X, on n'a pas la même qualité. Le ressenti, la même qualité, la même audience, la même ambiance. C'est plat, c'est terne. Mais bon, par contre, quand on veut voir une vidéo, quand on veut voir quelque chose sur une chanson, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup de chansons que j'ai reprises. On a parlé de Sardou, mais ma version du Connemara, par exemple, n'est pas du tout celle de Sardou, c'est la mienne. Nous, les amoureux de Jean-Claude Pascal, qui a gagné le Grand Prix de l'Eurovision, c'est ma version. Je me suis toujours arrangé à des moments précis de ma carrière de faire des chansons. Je me les approprie. Donc, on les a en vidéo, elles ont été illustrées par Magali, elles ont raison d'exister, elles sont magnifiques, ce sont des vidéos des vidéos statiques, hein, c'est-à-dire, mais c'est très bien fait, et je sais que il y a certaines vidéos qui sont passées au 3K, 4K, 5K, 10K, 20K, puis d'autres pas, parce que on n'en fait pas la promotion. Si ça ne passe pas continuellement au vu des gens quand ils tapent un titre ou quand ce n'est pas à coquiner à une grande star, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la page d'un Johnny, d'un Sardou, d'un machin, faut vraiment tomber dessus. Oui. Un, c'est le propre du web, si on ne la qualifie pas, et si on la met pas, on la trouve pas. On la trouve pas. Elle va pas arriver sur, par l'opération du Saint-Esprit sur votre page web. Mais, j'ai la chance, certaines, justement, d'être dans ce contexte. C'est-à-dire qu'elles apparaissent sur des pages comme un tel ou un tel. Ça me fait plaisir parce que, bon, ben, c'est qu'elle est remontée. Oui. Mais c'est pas moi qui y remonte, hein. Ben, je vous parle de ça parce que vous, au moins, vous êtes les maîtres dans ça, donc vous connaissez parfaitement le système du web. Qu'est-ce qu'on ferait sans le web maintenant? Ah, bah rien. Oui, c'est dommage. Cette technologie, oui. Par contre, mais c'est pratique parfois. On cherche quelque chose, c'est rapide, on perd pas du temps. Oui, ok, machin, puis hop, ça y est, c'est bon, quoi. Voilà, c'est fait. c'est moi, je pourrais pas, enfin, c'est pas que je pourrais pas vivre sans, on s'habitue à tout, mais maintenant qu'on l'a, faut juste l'utiliser à bon escient, c'est tout. C'est ça, c'est ce que, de mon côté, j'essaye de faire, et quand on a la chance d'être reçu par une radio comme la vôtre, c'est un plus. On se sent moins seul, parce que, des fois, on a envie de partager beaucoup de choses, on a envie de le dire, et on a envie de l'écrire, et on ne sait pas s'il y a l'audience de l'autre côté, on ne sait pas s'il y a l'écoute. Oui. Et on se pose plein de questions. Lorsque nous sommes en radio, comme c'est le cas aujourd'hui chez vous, au contraire, on sait qu'il y a des auditeurs, on sait qu'il y a des gens qui écoutent, on sait que la parole, elle est portée quelque part, et d'avoir, par exemple, passé un homme et le baladin, ben, ça me fait un immense plaisir. Car je sais qu'elle est rentrée dans la tête de bon nombre de nos amis. Elles sont très entraînantes, c'est vrai. Oui, je le crois parce que ce support, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Moi, je le répète, je suis l'auteur. Il y a les compositeurs, sauf pour le baladin qu'on a revu, qu'on a réarrangé. Hein, vous l'avez noté, puisque vous connaissez les deux. Oui. Mais d'un autre côté. J'aime beaucoup le côté entraînant de ces deux chansons, qui dénote complètement de la variote habituelle, hein, et qui nous emmène dans des ambiances musicales qu'on a peu l'habitude d'entendre. Mais si on se donne la peine d'écouter et qu'on décroche pas au bout de 30 secondes, si on va au bout des chansons, c'est vrai qu'on a envie de les écouter. Oui. Moi-même, j'ai écouté tout à l'heure, ça fait un bail que je n'ai pas entendu, parce que je suis déjà sur d'autres textes et d'autres machins, donc vous savez, c'est assez étonnant, mais souvent on passe à autre chose. Hein. Oui. Le bébé, il est là, il existe, il n'y a plus qu'à grandir, ou pas, mais enfin bon. Mais là, j'ai été heureux de réécouter ça, puis je me suis laissé à me voir taper dans les mains, à bouger les épaules. Pareil. C'est vrai, hein, c'est agréable. Maintenant, je vous cache pas que c'est agréable. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'année 2020, pour terminer cette interview? Bah, j'aimerais bien que lors de mes concerts, de mes récitals, les gens viennent avec la certitude de partager un bon moment musical avec moi. Ou celles et ceux qui sont en ceinture avec moi, de toute façon. Là, je suis en préparation d'un petit spectacle de variette avec une couleur. C'est-à-dire j'ai monté un concept qui fonctionne bien. Ça s'appelle Magic Song. Magic Song. Chanson magique. C'est-à-dire qu'en fait, on partage la scène avec un prestidigitateur, un magicien. En l'occurrence, un magicien que vous connaissez, d'ailleurs, c'est Joël. Hein, Joël le magicien. Je pense qu'un jour, il est venu se faire interviewer ici, je crois. Ah oui, ça me parle. Oui. Il y a un moment, il m'en avait touché un mot l'autre fois quand je lui avais dit que je venais à Radio Arc-en-Ciel. C'était à la période de Noël aussi, ça doit faire 2 ans, je pense. Et donc, tous les deux, on bosse sur scène, on s'est partagé le travail. Moi, de mon côté, des chansons sur les thèmes, bon, les miens, mais également, je ne vous le cache pas, puisque je les chante, Michel Delpech, Sardou. Et puis les années 60, 70, des thèmes romantiques, des chansons romantiques de l'époque, qui restent dans l'esprit des gens qui viennent nous voir, parce que les gens qui viennent nous voir, ils ont entre 30 et à l'infini. Hein. Donc derrière ressurgissent des mots. Et donc j'ai voulu coquiner à la magie des mots, des chansons magiques, qui sont au fond de l'esprit des gens. ce sont des chansons qui leur ont peut-être permis de se rencontrer, de danser, d'avoir dans leur vie un moment fort, et elles ressurgissent comme ça, et je le vois dans les yeux des spectateurs quand j'interprète une chanson XY. Bon, la majorité du temps, ce sont des chansons qui ont un axe très amoureux, hein. C'est les chansons d'amour la plupart du temps, puisque les années 60-70, on parlait beaucoup d'amour. Oui. Oui. D'échanges, d'amitié, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre l'homme et la femme, etc. Et tout ce que... ça a quand même beaucoup évolué. Hein. Et ce spectacle plaît bien, on en a fait quelques-uns, là. Bon, pour des comités, mais ça prouve que ça marche. Et j'aimerais bien le porter un peu plus loin l'année prochaine. Voilà, ça c'est un concept que j'aime bien. On fait de la magie, on fait de la chanson et on s'amuse. Ça, s'amuser, c'est important. Et puis pour mes récitals, alors mes propres chansons, puis de l'adaptation de certaines chansons, toujours axées, je le répète, Delpech, Sardou, c'est pour moi, c'est ce qui me trotte dans la tête en permanence. Ces deux artistes, je me rapproche le plus avec Daniel Guichard, puisque j'ai eu le bonheur de bosser avec lui et que c'est vrai que souvent, dans l'interprétation, j'ai des tendances à, sans le copier, à être proche de lui. D'accord. Dans l'interprétation, dans la façon dont il exprime ses textes. Donc, j'aime chanter ces gens-là, parce que ça parle. Delpech, ça parle. Sardou, ça parle. Guichard, ça parle. Oui. Et c'est des chansons à texte. Et voilà, c'est ça, Carla. Oui. Et donc, j'aime bien rentrer dans ces personnages-là, m'accaparer leurs chansons, y laisser quand même le souvenir de ce qu'ils sont, mais me les accaparer, je me les accapare souvent. Ce que j'ai fait vendredi dernier, là, j'ai fait un joli récital de 2 heures quand même, j'ai beaucoup étalé Sardou et Delpech, et je le rappelle, des années 60-70 nostalgiques. C'est-à-dire des chansons qui sont ancrées à tout jamais dans le cœur de chacun. Donc, faire quelques récitals comme ça, mais surtout, ce qui m'importe, c'était pour répondre à la question, c'est que le baladin se balade bien et que un homme donne aux hommes l'envie d'être des hommes. D'accord, très bien. En outre, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça, cher Edouard Arc-en-Ciel. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de recevoir, pour moi tu es un grand artiste, donc dans l'âme en tout cas, et la porte Radio Arc-en-Ciel est toujours ouverte, si tu as d'autres actualités, tu pourras venir nous en parler. J'y manquerai pas, ça sera toujours un énorme plaisir pour moi, et merci à Radio Arc-en-Ciel d'avoir porté mes chansons aujourd'hui. De rien, un petit mot pour nos auditeurs. Chers amis auditeurs, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Merci d'écouter régulièrement Radio Arc-en-Ciel et merci de porter mes chansons. Parfait. Et merci de venir me voir très vite aux différentes dates qui seront... à retrouver donc sur ta page Facebook, on rappelle le nom s'il te plaît. Nandy. Alors Nandy Verle, N-A-N-D-Y et Verle, W-E-R-L, ou sinon Nandy Nandor. Parfait. Je vous embrasse. Et nous aussi on t'embrasse, et du coup comme t'aimes bien Michel Sardou, j'ai mis un peu une musique que j'aime bien, celle-là elle bouge pas mal, la même eau qui coule. Puis après on retrouve un peu de musique portugaise jusqu'à 14h, j'allais dire midi mais non, 14h où je dois rendre l'antenne. À bientôt. Merci Radio Arc-en-Ciel. Merci à toi. Let's go. Let's go. Que j'étais à l'enfant que je suis, de mes coffres à jouets, à mes jeux interdits, les chevaux de Lascaux, les avions de Vinci, à part les mots nouveaux, je n'ai rien appris. C'est toujours le raisin qui saoule, t'es au fourneau de Liverpool. La même chanson qui fait danser la foule, c'est toujours la même eau qui coule. jours ordinaires, les chagrins inhumains. C'est toujours la même. On les voit au scanner, on les lit dans la main. Quand le vieux Magellan découvrit le détroit, il y avait des enfants qui s'y baignaient déjà. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, et au fourneau de Liverpool, la même chanson qui fait danser la foule. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, et au fourneau. C'est la foule, la même chanson qui fait danser la foule. L'homme que j'étais à l'enfant qui vieillit, j'ai suivi le trajet que les autres avaient pris. Des voyages à Apollo, mystère de ma vie, à part les mots nouveaux, je n'ai rien appris. C'est toujours là. C'est toujours le raisin qui saoule, et au fourneau de Liverpool, la même chanson qui fait danser la foule. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours la.